بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في سورة الشعراء للبويت في قول الله عز وجل وفي المسألة 30 بعد 100 130 مسألة في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين dans le sens où Allah il a dit que le peuple de Nour ont démenti les envoyés. Verset 105. قال رحمه الله تعالى هذه الآية تدل على أن قوم نوح كذبوا جماعة من المرسلين بدليل صيغة الجمع في قوله تعالى المرسلين ثم بين ذلك بما يدل على خلاف ذلك وأنهم إنما كذبوا رسولا واحدا وهو نوح عليه الصلاة والسلام ولا نبينا الصلاة والسلام بقوله إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إلى قوله قال يا ربي إن قومي كذبون. Donc ce noble verset nous montre que le peuple de Nour ont démenti un groupe d'envoyés. Dans le fait que dans le verset, il dit les mursalines, les envoyés, avec le sens du pluriel. Puis dans le même verset, il nous apparaît que là, en fait, c'est l'opposé de cela. Qu'en réalité, ils n'ont démenti qu'un seul messager qui est Nour alayhi salam. Dans sa parole où Nour, il dit, dans le sens, qu'Allah Azzawajal dit à propos de Nour, dans le sens, lorsque leur frère Nour leur dit, ne craignez-vous donc pas, jusqu'à ce qu'il ait dit à la fin du verset, dans le sens, il dit, ô Seigneur, certes mon peuple m'ont démenti. Verset 106 à 117. Donc là, on a comme un Ishkel, qui en réalité est. واضح كم سلا بفنيا والجواب عن هذا أن الرسل علم صلوات الله وسلامه لما كانت دعوتهم واحدة وهي لا إله إلا الله صار مكذب واحد منهم مكذبا جميعهم كما يدل لذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون donc les messagers du fait que leur da'wa, leur appel, ne fut qu'un seul appel, qui est l'appel à la ilaha illallah. Que celui qui se met à démentir un seul messager, c'est comme s'ils avaient tous démenti, en réalité. Comme le prouve la parole dans le sens où Allah dit, « Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers sans que nous nous révélions qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de moi, alors adorez-moi. » Al-Anbiya et les prophètes, verset 25. « وَقُولُهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا dans le sens où Allah a dit que nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du Tarout. An-Nahl, les abeilles, verset 36. وَقَدْ بَيِّنَ تَعَالَى أَنَّ مُكَذِّبَ بَعْدِهِمْ مُكَذِّبٌ لِلْجَمِيعِ بِقَوْلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Donc Allah Azawajel a déjà également dans son livre clarifié que celui qui dément certains d'entre eux, c'est comme s'ils avaient tous démenti. Ne serait-ce qu'un seul. Dans le sens où il dit, ils disent nous croyons en certains et nous mécroyons à d'autres. Et ils veulent prendre en cela une voie intermédiaire. Ceux-là sont réellement les mécréants. Surat An-Nisa, les femmes, versets 150 à 151. Wayati misla hadha al-ishkal wal jawab fi qawlihi kazzabat 'adun al-mursalin. إذ قال لهم أخوهم هود إلى آخر الآية في الشعراء. Donc il dit également dans le livre une problématique similaire à propos de la parole d'Allah dans le sens où il dit que Ad ont démenti les envoyés lorsque leur frère Hud leur a dit à la fin du verset. Shu'ara, les poètes, verset 124 à 123-124. وكذلك في قصة لوط وشعيب على الجميع ولا نبينا الصلاة والسلام. également dans l'histoire de Lot et de Shu'aib et الصلاة والسلام على جميعهم ولا نبينا كذلك. Donc là en fait le fait de démentir un messager revient à démentir tous. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla dans le sens il a dit que le peuple de Nour ont démenti les messagers. نعم. فبيد الكود نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.